Nous arrivons ensuite à un chapitre qui est important concernant donc les défauts hein, que peut avoir une bête et est-ce que ces défauts sont donc conséquents sur la validité de ce sacrifice ou non. Donc il faut savoir que la bête à sacrifier, elle doit être exempte obligatoirement de certains défauts. Et ce sont les défauts donc qui ont été rapportés dans les textes. Donc le prophète alayhi a cité des défauts qui, s'ils sont présents dans la bête, cette bête ne peut être sacrifiée, et si jamais elle est égorgée, c'est un sacrifice donc qui n'est pas valide auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le hadith de base concernant les défauts que doit absolument éviter la personne qui va sacrifier pour Allah azawajal une bête est le suivant, c'est le hadith de Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, dans lequel il dit qama fina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khatiban faqal. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est levé parmi nous en faisant un discours et il dit arba'un la tajuzu fil adahi. Quatre types de bêtes, donc quatre choses, ne sont pas permises dans les bêtes à sacrifier. Al-awra'u al-bayyinu awaruha. Donc celle qui est borgne et dont cette qualité-là est flagrante. Al-maridatu al-bayyinu maraduha. Celle qui est malade et dont la maladie est flagrante. Al-arja'u al-bayyinu dhil'uha. La boiteuse est celle dans cette caractéristique, le fait qu'elle boite est aussi flagrante, c'est-à-dire elle est évidente. Al-ajfa allati la tunqi. Donc c'est celle qui est qui a une forme de maladie, c'est-à-dire elle n'a pas de mort, elle n'a pas de cervelle. Donc ses os ne comportent pas à l'intérieur de moelle. Du moins, elle a un manque à ce niveau-là et elle n'a pas d'énergie, elle est très fatiguée, ça se voit à son extérieur. Donc, ces quatre défauts-là, il y a unanimité sur le fait que le sacrifice d'une bête comportant un de ces défauts, ou bien deux, trois, ou bien les quatre défauts, est invalide. Donc, ces défauts-là, il faut absolument les éviter. Donc, quel est le premier? Al-awara. Donc, celle qui est borgne. Donc celle qui ne voit que d'un seul œil, qui a un œil crevé. Et donc cette bête-là, il n'est pas permis de la sacrifier. Mais comme le prophète alayhi salatu wassalam, elle a dit, elle bayyinu awaruha. Il faut que cette qualité d'être borgne, elle soit flagrante, elle soit évidente. Donc si jamais c'est un petit défaut au niveau d'un des deux yeux, donc à ce moment-là, ce n'est pas donc conséquent. Donc ça ne se voit pas. Lorsque la personne regarde cette bête-là, elle ne voit pas qu'elle est borgne. Donc ça n'a pas de conséquence. Mais lorsque c'est évident, ça se voit, alors il ne faut absolument pas sacrifier ce type de bête pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a l'aveugle. L'aveugle, il n'est pas permis aussi. Car si Allah subhanahu wa ta'ala interdit la borgne, donc l'aveugle de manière plus prioritaire. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, en interdisant la borgne, il interdit donc un manque donc dans les caractéristiques corporelles. Donc le fait d'être aveugle, c'est un manque qui est encore plus prononcé. Donc de manière plus prioritaire, la bête qui est aveugle, elle ne doit pas être sacrifiée. Ensuite, le deuxième défaut, al-arja ou al-bayinu dil'uha. Donc celle qui est boiteuse et dont le boitement, le fait de boiter, est évident et flagrant. Donc celle qui boite un tout petit peu, ceci, alhamdoulillah, donc est valide, même si c'est makruh. Hein. Beaucoup de savants disent que c'est makruh, c'est détestable. Mais celui qui sacrifie une bête qui boite un tout petit peu, donc cela n'a pas de conséquence, bihawlillahi azza wa jal. Donc comment est-ce qu'on différencie, wallah a'lam, le fait que c'est un boitement important ou pas? Certains savants disent lorsqu'elle ne peut pas, par exemple, suivre le reste du troupeau. Donc elle boite sans pouvoir suivre le reste du troupeau. Alors ça a une conséquence. Bon, d'une manière générale, lorsqu'on la regarde et qu'on voit qu'elle boite vraiment de manière importante, il ne faut pas la sacrifier, ce sacrifice n'est pas valide. Ensuite, le troisième défaut, al-maridatul bayyinu maradoha. La malade, donc la bête malade, dont la maladie est flagrante. Donc cette maladie aussi, il faut qu'elle soit évidente, flagrante. Il faut que lorsque on voit qu'elle marche ou bien comment est-ce qu'elle mange, on voit que c'est une bête qui est malade. Donc lorsque la bête elle est malade et que ceci a une conséquence donc sur vraiment sa santé et sa manière d'être, donc on ne peut pas sacrifier cette bête-là. Et donc de même entre dans la maladie les blessures. Hein? Donc les écorchures, les blessures qui peuvent être à la tête ou à la peau qui sont importantes, qui laissent des saignements, ça entre ça dans la maladie. Même une bête qui aurait une maladie au niveau de la peau, ses poils tombent, sa laine tombe, elle a quelque chose vraiment de conséquent au niveau de la peau, la gale ou autre, qu'Allah nous protège, il est alors interdit de la sacrifier. Donc même s'il n'y a pas de conséquences sur la santé. Même si jamais les médecins disent que hein, le fait de sacrifier cette bête et la manger ne pose aucun problème, mais que au niveau de la peau, donc on va pas la manger, la peau, on va manger la viande à l'intérieur, et que cette maladie est simplement au niveau de la peau et qu'on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de conséquence sur la viande, donc qui se trouve à l'intérieur, on ne doit pas sacrifier cette bête-là. Quatrième défaut, nous avons dit al-ashfa ullati la tanqi, ou la tanqi. Donc elle achfa. Donc ça c'est celle qui est vraiment affaiblie et qui n'a pas de moelle dans les os, comme on dit les savants, qui n'a pas de mort, donc de cervelle. Donc celle-là, il n'est pas permis donc de l'égorger, car c'est un défaut conséquent. Et ce genre de bête, on le reconnaît donc à l'extérieur. Elles sont extrêmement affaiblies, toutes faibles, elles n'arrivent pas à marcher, suivre le troupeau, car leurs os sont extrêmement fragiles et affaiblis. Donc ce sont des bêtes que l'on ne peut pas sacrifier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a des défauts donc, qui n'impliquent pas l'invalidation du sacrifice, mais qui impliquent al-karahiya, donc le caractère détestable de cette bête-là. Parmi ces défauts, il y a par exemple le fait que la corne soit cassée, ou que l'oreille soit coupée, ou bien qu'il y ait dans l'oreille un défaut, comme par exemple un trou, avec l'oreille toujours présente, mais elle est trouée. Ou de même une maladie, mais qui n'est pas vraiment évidente. De même, un œil qui aurait un défaut, elle serait borgne, mais de manière partielle, c'est pas très évident. De même si elle boite, mais pas de manière évidente. Donc, ce type de défaut-là n'implique pas que la bête ne peut pas être sacrifiée, mais ça reste makruh, détestable. Donc, l'oreille, par exemple, si jamais elle comporte un défaut, elle est coupée de manière entière, ou bien une partie, la bête, inshallah, peut être sacrifiée, mais c'est makruh. Mais il y a quand même divergence là-dessus. Certains savants disent que ce n'est pas permis si jamais l'oreille est coupée. Mais Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, dit que c'est makruh, l'ilmu indallah. Et on s'appuie sur le hadith de Ali. Ali, radiyallahu anhu, a dit: Amarana Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, an nastashrif al-ayna wal-uzna, wa an la nudahi bil-muqabala, wa la al-mudabara, wa la shahwa, wa la kharqa. Il dit, Ali, radiyallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné donc de regarder les yeux et les oreilles, de regarder l'œil et l'oreille, donc de chercher est-ce qu'il y a défaut. Et de ne pas sacrifier al-muqabala, que al-muqabala, c'est celle qui a donc le devant de son oreille coupé, la partie supérieure de son oreille coupée. Ou al-mudabara, il nous a aussi dit de ne pas sacrifier al-mudabara, qui est celle qui a donc la partie inférieure, la partie arrière de son oreille, donc coupée, et ni al-sharqa, c'est celle qui a l'oreille fissurée, et ni al-kharqa, c'est celle qui a l'oreille trouée. Et certains disent que ces défauts-là, ils sont aussi conséquents et qu'ils invalident donc le sacrifice de cette bête. Wallah a'lam, et certains disent donc ça n'invalide pas, comme c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi, wallahu a'lam. Donc de même pour la corne, ça a le même statut, inshallah ça n'invalide pas, que ce soit une partie ou bien toute la corne, wallahu a'lam. Et de même la queue, hein. De même, la queue, Allah alam, si jamais la queue a été coupée, même complètement, bon, ça reste makruh, détestable, mais l'égorgement de cette bête-là, Allah alam, reste permis. Et certains savants mettent des limites à la queue, ils disent si jamais c'est plus de la moitié, plus du tiers, etc. Mais nous gardons, inshallah, cet avis, disant que même si toute la queue est coupée, bihawlillahi azza wa jal, ça reste une bête que l'on peut sacrifier, mais avec al-karaha. Certains savants disent si c'est plus du tiers, c'est pas valide. Si c'est moins, c'est bon. Si c'est plus de la moitié de la queue qui est coupée, c'est pas valide. Et si c'est moins, c'est bon, etc. N'entrons pas dans ces détails. Inch'Allah, restons selon l'avis, selon lequel si toute la queue est coupée ou bien même une partie, c'est permis. Enfin, du moins, c'est makruh. Mais le mieux, c'est d'éviter ces défauts-là. Un point, c'est si jamais la personne donc détermine que telle bête sera, inshallah, son sacrifice pour l'Aïd, et qu'à ce moment-là, la bête est donc exempte de tous les défauts qui ont été cités précédemment, et notamment les défauts qui sont conséquents sur la validité du sacrifice, et qu'ensuite, donc, apparaît un défaut. Donc, elle ne boitait pas, par exemple, et elle s'est mise à boiter après qu'il ait mis. Donc l'intention ferme de sacrifier cette bête-là. Donc là, ce qui est connu chez beaucoup de jurisconsultes, c'est qu'il est permis de sacrifier ensuite cette bête-là, même si elle a ce défaut, une fois qu'elle a été, donc elle a eu ce défaut-là. Et ça arrive souvent quand on achète la bête, par exemple, surtout au bled, ça se fait. On achète la bête, par exemple, 3-4 jours avant, on la laisse dans la cour et on la nourrit. Et par exemple, elle se met à boiter, elle se blesse à ce moment-là, et on l'a acheté avec notre argent, on l'a eu en possession, et elle est. Et donc, c'est vraiment une bête qu'on a achetée uniquement et simplement pour sacrifier Allah Azzawajal pour l'Aïd, et elle se met à boiter, et là, beaucoup de jurisconsultes disent que c'est permis de la sacrifier, Allah A'lam, car ce défaut a eu lieu après l'intention ferme de donner en offrande cette bête-là à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il y a un hadith qui est rapporté à ce sujet-là, mais Wallah alam, sa chaîne de transmission est faible. C'est un compagnon qui avait acheté donc sa bête à sacrifier, un mouton, et le loup l'a mordu. Et il a mangé donc son postérieur. Et il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, lui a donc dit ce problème-là, et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Dahi biha. Donc sacrifie-la. Sacrifie-la, bien que son postérieur, une partie de son postérieur ait été mangée donc par le loup. Mais le hadith est faible, Wallah alam. Et Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, dit dans son livre Muzakkarat al-Fiqh, il dit donc qu'il y a une preuve là-dedans, et il a dit que le hadith était faible, mais par rapport aux règles de la jurisprudence, qu'est-ce que dit Cheikh Al-Uthaymeen? Donc on tire de cela que le défaut, si jamais il a eu lieu après. Donc la bête a été désignée comme étant la bête à sacrifier. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal à la sacrifier, car après avoir défini cette bête-là comme étant son sacrifice pour Eid al-Adha, c'est devenu en réalité une emen, un dépôt. Cette bête appartient désormais totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est sortie donc de ma possession, et simplement c'est une bête que désormais je garde. Wal emen et tout ida. تعيبت بدون تفريط من الأمين ولا تعد منه فليس عليه شيء. Et le dépôt, si jamais donc j'en suis le garant et qu'il est chez moi, et que ni par négligence ni par transgression un défaut apparaît dans ce dépôt qui est entre mes mains, alors je n'ai pas de devoir donc de réparation. Donc désormais cette bête-là est simplement un dépôt que j'ai entre les mains, et si jamais il y a défaut qui apparaît, il n'y a pas de devoir de réparation, je pourrais donc sacrifier cette bête-là, wallahu a'lam. Et les défauts qui ont été cités donc précédemment, notamment concernant la corne cassée, la corne qui a été arrachée, la queue coupée, etc. Si jamais la bête naît sans corne, il n'y a pas de karaha, ce n'est pas détestable. Si jamais la bête naît sans queue, ce n'est pas détestable. De même si il lui manque des dents, par exemple. Ça, ce n'est pas un défaut qui a des conséquences sur Allah. Une notion, souvent, les paysans auprès de qui on achète les moutons, ils mettent des poinçons au niveau de l'oreille, donc des numéros au niveau de l'oreille du mouton. Ça, comme nous avons dit, le fait qu'il y ait un trou, c'est makruh. Mais ici, souvent, c'est la darura. On n'a pas le choix, ça relève pas de nous. Alhamdoulillah, c'est large, bihawlillah azzawajal, mais dans tous les cas, ça n'a pas de conséquence, bi'ithnillah, sur la validité du sacrifice. Ensuite, il y a des notions qui sont recommandées dans la bête à sacrifier. Donc, le sacrificateur, il faut, inshallah, qu'il choisisse la plus belle bête, qu'elle soit la plus belle possible, qu'elle soit forte, avec pleine de viande, que ce soit, inshallah, la bête la plus belle possible, car il va donner cela en offrande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, concernant les ovins, le mieux, c'est que ce soit une bête cornue, comme nous avons vu dans le hadith d'Anas, le prophète, alayhi salatu wa salam, a égorgé Kabshayn, deux béliers, Aqranayni, donc avec des cornes, Amlahayni. On avait dit Al-Amlah, c'est celui qui est tout blanc, et d'autres savants disent, c'est celui qui est blanc de manière majoritaire avec du noir. Wallahu alam. Il y a six paroles de savants sur Al-Amlah, sur l'explication de Al-Amlah, mais on ne va pas s'allonger. Mais dans tous les cas, il faut que ce soit une bête qui soit belle lorsqu'on la regarde, que ce soit une bête qui fait plaisir au regard. Et il est rapporté dans un hadith de Aïcha, radiyallahu anha, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a ordonné qu'on apporte un bélier, donc cornu, qui marche dans le noir, c'est-à-dire qu'il avait du noir au niveau des quatre pattes, et il s'asseyait donc dans le noir, c'est-à-dire il avait du noir au niveau du ventre, et qui regardait dans le noir, il avait donc du noir autour des yeux. Donc on l'a apporté, donc on l'a apporté afin que le prophète alayhi salatu wasalam, l'égorge, et il a dit à Aïcha, ya Aïcha, halummi al-mudiyah, oh Aïcha, donne-moi le couteau. Il a dit, aiguise donc bien ce couteau-là avec une pierre. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam prit le couteau et il prit ensuite le bélier, le coucha, puis l'égorgea. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit avant, Bismillah, au nom d'Allah, Allahumma taqabbal min Muhammad, ou Allah accepte de Muhammad, wa ali Muhammad, et de la famille de Muhammad, wa min ummati Muhammad, et de la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Muslim. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa man yu'azzim sha'air Allahi, fa innaha min taqwa al-quloub, et celui qui donne de l'importance au rite d'Allah, ceci fait partie de la piété des cœurs. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit, ta'zimuha, donner de l'importance au rite d'Allah, istismanuha wa istihsanuha, c'est d'engraisser la bête et de choisir la plus belle. Et dans un hadith de Aïcha et de Abu Huraira radiyallahu anhuma, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana idha arada an yudahi ishtara kabshayn azimayn saminayn aqranayn amlahayn mawju'ayn, rawahu ibn Majah. Donc Aïcha et Abu Huraira radiyallahu anhuma disent que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc lorsqu'il voulait sacrifier, il achetait deux béliers azimayn, énormes, saminayn, gras, Aqranayni, cornu, amlahayni, nous avons dit soit tout blanc ou bien blanc avec un peu de noir. Mawju'ayn, qui était castré. Donc nous revenons au défaut tout à l'heure. Nous avons oublié de dire que le fait que les bêtes soient castrées ne fait pas partie donc des défauts qui sont ni d'abord conséquents sur la validité de la bête et ni n'implique une karaha, un caractère détestable à la bête. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. C'est d'ailleurs même donc une sunnah car ceci permet d'engraisser la bête. Le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani, il se trouve dans Sunan ibn Majah. قال النووي في المجموع أجمع العلماء على استحباب السمين في الأضحية. L'imam Nawawi a dit dans son livre Al-Majmu', les savants sont en accord unanime qu'il est recommandé donc de choisir une bête grasse pour la sacrifier, car c'est un sacrifice pour Allah Azza wa Jal. Donc il ne faut pas compter essayer de prendre, comme font certains, Allah yahdihum, lorsqu'ils achètent au kilo, ils cherchent une petite bête ne pesant pas trop pour pouvoir économiser. Et ça, ça ne fait pas partie donc de la piété des cœurs et du ta'zim, de la vénération et du fait de donner de l'importance au rite d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il faut essayer de choisir, inshallah, une bête importante, grasse belle, si on en a les possibilités. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas s'y prendre trop tard, notamment en France. Il faut essayer, Inch'Allah, assez tôt, d'aller choisir sa bête pour pouvoir avoir la plus belle possible, bihawlillahi azza wa jal. Et en passant d'ailleurs, donc on vient de citer la forme de vente qui est au kilo, il faut savoir que ça entre dans bay' al-gharar. Donc c'est haram à la base, c'est illicite en islam de vendre des bêtes comme ça au kilo, car ça entre dans l'arnaque. Lorsque l'on vend au kilo, on sait très bien que la personne peut faire manger abondamment sa bête la veille, lui faire boire de nombreux litres d'eau en l'assoiffant toute une semaine, en lui donnant ensuite la veille de l'eau pour qu'elle en boive des litres. Il faut savoir qu'un litre, c'est 1 kilo environ. Donc ça sera des kilos que la personne paiera, donc inutilement. Donc il faut se mettre d'accord avec la personne chez qui on achète la bête pour payer à la tête. Hein, pour payer à la tête. Mais payer au kilo, comme a dit Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, ça entre dans bay'ul gharari, wallahu a'lam, dans une forme d'arnaque, wallahu a'lam. Il y a un autre point qui est recommandé aussi, en lien avec la couleur de la bête. C'est la blancheur. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et ce hadith vous le trouvez dans Silsilat al-Hadith Sahihah Cheikh al-Albani, volume 4, numéro 476, An Abi Hurayra radiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa salam a qal, damu afra'a ahabbu ila Allahi min dami saoudawain. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa salam a dit, le sang donc d'une bête blanche, afra, c'est-à-dire une bête blanche mais qui n'a pas une blancheur extrêmement évidente, clairvoyante, une blancheur normale, le sang d'une bête blanche est préférable à Allah que le sang de deux bêtes noires. Le sang d'une bête blanche est préféré à Allah que le sang de deux bêtes noires. Wallahu a'lam. Al-Afra, comme a dit Ibn al-Athir dans Nihaya, bayadun laysa bin nasir. Donc c'est une blancheur qui n'est pas extrêmement claire, évidente. Donc tout ce qui est recommandé d'une manière générale dans la bête à sacrifier, donc ce qui est le mieux, c'est que ce soit un kebj, un bélier, mawjou'un, donc qui soit castré, aussi el-fahil, donc qui n'est pas castré et qui est complet, aqran, qui a des cornes, amlah, donc nous avons dit c'est complètement blanc ou bien blanc avec un peu de noir, afra, donc c'est une blancheur qui n'est pas extrêmement clair, aziman, donc qu'il soit de grande taille, important, seminen, qu'il soit gras. Yanzuru fi sawad, il regarde dans le noir. Ya'kulu fi sawad, il mange dans le noir, donc il a du noir autour de la bouche et des yeux. Yata'u fi sawad, il marche dans le noir, donc au niveau des quatre pattes, il a du noir. Yabruku fi sawad, et il s'assoit aussi dans le noir, donc il a du noir au niveau du ventre. Et le fait que c'est aussi bien qu'il ne soit pas castré, on le tire du hadith d'Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, dans lequel il dit: Daha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi kebshin aqran. Fahil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a égorgé donc un bélier cornu, fahil, donc possédant ses testicules, ya'kulu fi sawad, qui mangeait dans le noir, donc il y a du noir autour de la bouche, wa yamshi fi sawad wa yanzuru fi sawad, et qui marchait dans le noir et regardait dans le noir. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, l'a authentifié. Donc on tire de ces hadiths-là qu'il est permis donc d'acheter une bête qui est chère, pour pouvoir la sacrifier, mais ceci sans moubaha, sans vantardise, dire ouais, moi j'en ai acheté à 250 euros, j'en ai acheté à 300 euros, 400 euros, et se vanter de cela parce que peut-être d'autres en ont acheté des moins chers et se montrer devant les gens comme quoi on a dépensé beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est interdit. Aussi, il ne faut pas de roulou exagérer non plus et entrer dans une logique incroyable au point que les bêtes atteignent des prix exorbitants. Il ne faut pas rentrer dans cette logique-là. Alhamdulillah, le but avant tout, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Jamais n'atteindront Allah donc les viandes et ni le sang, mais ce qui atteint Allah, c'est la piété de votre part. Et Allah azza wa jal a dit: wa kulu wa sharabu wa la tusrifu. Mangez et buvez et ne gaspillez pas. Donc il ne faut pas gaspiller, hein, et dépenser des sommes exorbitantes. Après, si jamais les gens donc monte le prix des bêtes et qu'on n'a pas d'autre choix, et alhamdoulillah, Allah nous a donné des largesses, alors alhamdoulillah, nous donnons des sommes pour acheter ces bêtes, walillahi alhamd. Mais il ne faut pas que ça vienne de nous et qu'on se vante de cela et qu'on participe à ce que les bêtes atteignent un prix incroyable. Et ceci, dans la sunna, il a été montré que les gens ont rapidement dévié et ont commencé à se vanter de leurs bêtes, Ata ibn Yasar, rahmatullah alayh, dit Sa'altu Abu Ayyub al-Ansari. Il dit j'ai questionné Abu Ayyub al-Ansari, ce grand compagnon radiyallahu an, chez qui a dormi le prophète alayhi salatu wasallam lorsqu'il est arrivé à Médine. Kayfa kanat ad-dahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ata demanda à Abu Ayyub, comment est-ce qu'étaient les sacrifices chez vous à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? قال كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. Il disait l'homme sacrifié au temps du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, donc un mouton pour lui et pour sa maison. فيأكلون ويطعمون. Donc ils en mangeaient et donnaient à manger de cette bête à autrui. ثم تباهى الناس. Puis les gens ont commencé donc à se concurrencer. Fasara kama tara, et c'est devenu la situation que tu vois aujourd'hui. Le hadith est rapporté par Ibn Majah et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahmatullah alayh. La version de l'imam Malik, fasarat mubaha, et c'est devenu donc un moyen de vantardise, comme c'est rapporté dans le Muwatta. Az-Zurqani, il a dit dans son charh du Muwatta, mubaha mughalaba wa mufakhara. فبعدت عن السنة فإنما عاب ذلك للمباهة ولم يمنع أن يفعله على وجه القربة إلى الله تعالى. Donc il dit dans l'explication du mot mubaha que c'est le fait de se concurrencer pour avoir quelque chose de plus cher qu'un autre et pouvoir ensuite se vanter devant lui d'avoir une bête qui coûte plus cher. Il a dit alors ça c'est un éloignement de la sunna. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a réprimandé cela dans le sens où c'est fait par vantardise, etc. Mais celui qui achète une bête chère vraiment dans le sens de donner une somme pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'y a pas à ce moment-là de mal. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, inshallah, nous passons à un autre point qui est al-ishtirak fi al-udhiyah, le fait de s'associer donc pour pouvoir sacrifier une bête. Donc nous allons voir que la sunna permet donc à différentes personnes de s'associer pour sacrifier une bête. Et ces nombres sont déterminés suivant les bêtes, inshallah, qui seront sacrifiées. Donc concernant les ovins, une bête donc est suffisante pour la personne et sa famille. Donc ça c'est le maximum. Donc pour la personne, celui qui va égorger le mouton, le bélier, la brebis, ce sera suffisant pour lui et pour sa famille, les gens qui sont sous sa tutelle, son épouse, ses enfants, etc. Même s'ils atteignent le nombre de 100 personnes. Il n'y a pas de limite à cela. Mais tant qu'ils sont sous la tutelle de cette personne, avec une même cuisine et que c'est lui qui dépense pour eux, donc le sacrifice d'une bête est suffisant pour ces personnes-là. Et il est permis donc à 7 personnes, ou bien 10, de s'associer donc sur une chamelle ou un chameau. Et 7 personnes sur une vache. 7 personnes sur une vache. Qu'ils soient donc d'une seule maison ou bien de plusieurs maisons différentes. Même s'ils sont de plusieurs domiciles différents, ils peuvent s'associer donc à 7, voire jusqu'à 10 sur le chameau et la chamelle, ou bien 7 maximum sur le bœuf et la vache. Donc les preuves de cela concernant le fait qu'un seul ovin est suffisant pour la personne et sa famille, il y a plusieurs hadiths, parmi ceux-là le suivant, « An Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qal, kana ar-rajulu yudahi bish-shati anhu wa an ahli baytih, fayakuluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nas fasarat kama tara » Rawahu al-Tirmidhi wa kadhalik Maja kama aslafna min qabl. Donc Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu dit que l'homme sacrifiait donc pour sa famille et pour lui-même et pour les gens de sa maison un agneau. Ils en mangeaient et nourrissaient les gens aussi jusqu'à ce que les gens se mirent à se concurrencer, à se vanter de leur sacrifice, et c'est devenu comme tu vois rapporté par Ibn Majah aussi et Tirmidhi. Nous avions cité ce hadith tout à l'heure. Donc ça c'est pour la personne et les gens de sa maison. Al-Hafid ibn Abdelbar rapporte Al-Ijma' le consensus qu'il n'est pas permis donc de s'associer sur un mouton, un bélier ou une brebis, hein, donc si on fait partie de maisons différentes. Cela s'est rapporté dans l'Istidkar par Al-Hafid ibn Abdelbar rahmatullah alayh. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par la famille de la personne? Donc, il faut qu'il y ait 3 conditions. La première, c'est Al-Qaraba, donc que ce soit des gens de la famille. Donc, que ce soit parents et on monte, grands-parents, etc., enfants et on descend. Al-Qaraba, aussi les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, qu'ils soient Donc, d'une même famille de manière générale, même s'il y a des tailles. Un nafaqa. Ensuite, la dépense. Il faut que cette personne-là, ce soit celle qui dépense donc pour les autres. Du moins qu'ils soient tous associés donc dans les dépenses de la maison. Et El Mesken, il faut qu'ils soient donc dans le même domicile. Il faut qu'ils soient dans la même maison. Donc, si jamais les gens sont dans une même maison, ils ont chacun leur étage, chacun leur cuisine, ou bien une cuisine, à tour de rôle, ils l'utilisent avec donc chacun un budget différent. Là, on ne peut pas sacrifier une bête pour toutes ces personnes-là. Ça arrive par exemple dans une maison, il y a un étage, un frère avec sa femme, et au-dessus, son frère avec sa femme et ses enfants. Et ils ont leurs deux appartements séparés, chacun son salaire, son compte en banque et sa propre cuisine. On ne dit pas, on fait ici donc un mouton pour tout le monde parce qu'on est dans la même maison. Non, là, comme on a deux budgets différents, alors on ne peut pas sacrifier une seule bête, même si on vit tous sous le même toit. Donc, et concernant les bovins, donc la vache, le bœuf et aussi les chameaux, nous avons cité donc pour les bovins c'était 7 maximum et pour le chameau 10 maximum. Et cela on le tire de ce hadith-là, le hadith suivant: An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi safarin fa hadara al-adha fa ashtarakna fi al-baqarati 7 wa fi al-ba'iri 10. Rawahu al-Tirmidhi wa sahahahu al-Sheikh al-Albani rahimahullah. Selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage, et ce fut le moment donc de sacrifier l'Udhiya. Il dit, nous nous sommes associés à 7 sur une vache et à 10 donc sur le chameau. Le hadith est rapporté par Tirmidhi, et Cheikh al-Albani l'a authentifié, rahmatullah alayhi. Certains savants disent que même pour le chameau, c'est 7 maximum, mais c'est pas 10. D'ailleurs, l'imam Tabari a dit que la Ummah est en accord sur le fait que la chamelle et la vache ne sont pas suffisants pour plus de 7 personnes. Mais Allah a'lam, cet ijma, ce consensus, Allah a'lam, est réfuté par le hadith rapporté par Tirmidhi, dans lequel il est dit de manière claire que le prophète alayhi salatu wassalam a permis donc à 10 personnes de s'associer sur un chameau. Wallahu a'lam. Waqtul udhiya. Quand est-ce que nous pouvons donc égorger notre bête? Hafid ibn Abd al-Barr rahmatullah alayhi a dit dans l'istizkar: ajma' al-ulama 'ala anna al-adha mu'aqqatun biwaqt. Il a dit rahimahullah al-Hafid ibn Abd al-Barr dans l'istizkar que les savants sont en accord unanime que al-adha, donc le moment où on peut sacrifier notre bête, il est déterminé par une période. Wa qala ibn al-Munzir fi al-ijma', ibn al-Munzir a dit dans al-ijma' wa ajma'u 'ala وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. Ibn al-Mundhir a dit dans Al-Ijma' que les savants sont en accord unanime qu'il est interdit de sacrifier sa bête avant le lever du Fajr, de l'aube, donc du jour de l'Eid, du jour du sacrifice. Donc il n'est pas permis d'égorger sa bête avant le lever du Fajr. Mais on va voir qu'il y a d'autres conditions. ولا خلاف بين العلماء أن من ذبح قبل أن يغدو إلى المصلى بعد الصلاة فقد فعل ما لا يجب. Il n'y a pas de divergence entre les savants sur le fait que celui qui a égorgé avant de partir à la musalla pour faire sa prière, celui-là fait quelque chose qui est interdit. وأنه لا ضحية له. Il a fait que, et donc il n'a pas de sacrifice. وأن عليه إعادة ما أفسد من ضحيته تلك. Et il doit re-égorger à nouveau une nouvelle bête. Donc il n'est pas permis d'égorger avant d'avoir prié. Donc égorger avant le lever du soleil, il n'y a pas de divergence là-dessus. Et non plus, il n'est pas permis donc de sacrifier sa bête avant d'avoir prié. Quelle est la preuve de cela? Le hadith d'Anas ibn Malik radiyallahu anhu. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين رواه البخاري ومسلم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui a égorgé avant la prière, il a égorgé pour lui-même. Donc c'est de la viande en réalité, ce n'est pas une offrande acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le début de la période à partir de laquelle on peut égorger, c'est une fois qu'on a prié. C'est une fois qu'on a prié. Quel que soit le moment de la prière, sauf si elle a lieu avant le lever du soleil, car on a dit qu'il y avait consensus sur le fait qu'on ne peut pas égorger avant le lever du soleil. On ne parle pas du lever de l'aube, le lever du soleil. Donc on ne peut pas égorger avant le lever du soleil. Et donc non plus de l'aube, ça c'est certain. Donc si la prière est faite à 10h du matin, et que le soleil se lève à 7h30, de 7h30 à 10h du matin, on ne peut pas égorger. On ne pourra pas égorger. C'est pour cela qu'il faut donc avancer la prière d'El-Eid, Eid al-Adha, donc afin que les gens puissent, Inch'Allah, Azzawajal, avoir le temps d'égorger leurs bêtes pour revenir ensuite à la prière de Dhuhr, bihawlillah Azzawajal. Donc elle se fait après le Shuruq, un quart d'heure environ. Wallahu a'lam. Donc il ne faut pas prendre en compte le temps à partir duquel on peut prier, mais c'est l'acte de la prière même qui est pris en compte. La preuve de cela est le hadith d'Al-Bara, radiyallahu anhu, qu'il dit: Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yakhtubu fa qala. J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire un discours et dire: Inna awwala ma nabda'u bihi min yawmina hadha an nusalli thumma narji'. Il a dit: la première chose par laquelle on commence notre journée est de prier. Puis on rentre donc chez nous, fanan haru. Puis on rentre chez nous et on sacrifie, on égorge. فَمَنْ فَعْلَ هَذَا فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا. Celui qui a fait cela, donc qui a prié, qui ensuite est allé égorger, a atteint notre sunna, c'est-à-dire notre voie. وَمَنْ نَحَرَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّمُهُ لِأَهْلِهِ. Et celui donc qui a égorgé avant la prière, ce n'est pour lui que de la viande qu'il donne à sa famille. لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Et cela n'est en rien donc le rite du sacrifice, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Enfin, à quel moment se termine donc la période pendant laquelle il est permis de sacrifier? Donc le dernier jour pendant lequel on pourra égorger, c'est le dernier jour des jours de Tashriq. Et les jours de Tashriq, c'est le 11, 12, 13, donc de Dhul-Hijja. Le 10, c'est El-Eid. Le 9, c'est le jour de Arafah. Donc les pèlerins sont en station à Arafah. Et nous ici, Inch'Allah, nous jeûnons, car c'est un jeûne extrêmement important qui, Inch'Allah, est la cause de l'expiation de péchés des péchés de l'année précédente et de l'année suivante. C'est un jour de jeûne extrêmement important. Le lendemain, on est le 10 de Dhul-Hijjah, donc c'est El-Eid. Ensuite, le 11, 12 et 13, ces trois jours-là sont Ayyamu Tashriq. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit Ayyamu aklin wa shorbin wa dhikrillah. Ce sont des jours pour manger, boire et évoquer Allah. Et il est donc interdit de les jeûner. Et il est donc permis d'égorger pendant les jours de Tashriq. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit kullu ayyami at-tashriq dhabhun. Toutes les journées de Tashriq sont des journées où l'on peut égorger. Le hadith est rapporté par Ahmed et c'est un hadith hassan qui est bon, inshallah. Un point qui est important, passons maintenant à la manière d'égorger. Kayfiyat adh-dhabh. Comment est-ce que l'on égorge sa bête? Donc première chose, ala al-mudahhi an yuhsina ila udhiyatihi bi an yakhtara mudyata hadda. Donc il faut que le sacrificateur se comporte de la meilleure manière avec sa bête, inshallah. Donc il faut que le sacrificateur se comporte de la meilleure manière, biiznillah, avec sa bête. Première chose, en choisissant, inshallah, donc le couteau le plus aiguisé possible. Ceci en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Allah a certes donc décrété la perfection pour toute chose. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةِ. Lorsque vous tuez, tuez de la meilleure manière. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Et lorsque vous égorgez, égorgez de la meilleure manière. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ. Et que l'un d'entre vous aiguise son couteau. وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Et qu'il repose, donc qu'il mette en position reposée sa bête à égorger, rapportée par Muslim. Al-Hafidh ibn Rajab, rahmatullah alayhi, a dit, et le sens de ce hadith-là, أَحْسِنُوا هَيْئَةَ الذَّبْحِ وَهَيْئَةَ الْقَتْلِ. Donc c'est soyez parfait donc dans la manière d'égorger et dans la manière de tuer. Et dans le hadith, il y a aussi une preuve qu'il est obligatoire donc de bien se comporter avec la bête. Et Ibn Hazm rahmatullah alayhi a rapporté donc le consensus à ce sujet-là, il a dit wattafaqu anna ihsan adh-dhabih wajibun fima yadhbah. Et ils ont été en accord donc les savants de l'islam que l'égorgeur doit donc parfaire sa manière d'être avec la bête qu'il va égorger. قال القرطبي في المفهم: فلو ذبح بسكين كان له أو بشيء له حد، وإن لم يكن مجهزا بل معذبا فقد أساء، ولكنه إن أصاب سنة الذبح لم تحرم الذبيحة، وبئس ما صنع إلا إذا لم يجد إلا تلك الآلة. القرطبي a dit dans le مفهم: et si jamais il égorge avec un couteau donc qui n'est pas aiguisé, ou bien quelque chose donc qui est tranchant mais qui n'est pas bien bien tranchant, qui a donc quand même une arête mais qui n'est pas bien tranchant et qui est donc un outil qui fait souffrir, il dit il a fait donc du mal cet égorgeur, mais il a quand même eu la sunna donc de l'égorgement. Sa bête n'est pas haram, donc ce qu'il a égorgé n'est pas haram, mais quelle mauvaise chose a-t-il fait? Il dit sauf si vraiment il ne trouve que cet outil-là. Et la preuve que sa bête est quand même halal, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ma anhara ad-dam wa dhukira ismullah alayhi fakulu. Hein, ce qui a fait couler le sang, et lorsque le nom d'Allah a été évoqué, mangez. Et le hadith est rapporté par al-Bukhari. Et donc, ma anhara ad-dam, c'est ce qui a fait couler avec abondance. Sabbahu bi katharatin wa asala. Donc, si jamais il y a une petite écorchure et qu'il y a un tout petit peu de sang qui sort, et que la bête meurt suite à ce petit saignement infime, il n'y a pas égorgement authentique comme on va le voir, inshallah. Il faut que le sang coule de manière abondante. D'ailleurs, le verbe anhara, hein, ressemble au mot nahar qui veut dire fleuve. Donc, dans l'écoulement, le sang doit être abondant. Donc, ce qui est le plus important, c'est que le sang coule. L'imam Nawawi a dit dans le charh de Sahih Muslim: Jawaz al-dhabh bi kulli ma anhar ad-dam. La permission d'égorger par tout ce qui fait couler le sang. Ibn Daqiq al-Eid, rahmatullahi alayh, a dit: wa fihi dalilun ala jawaz al-dhabh bima yahsul bihi al-maqsoud min ghayri tawaqquf ala kawnihi hadidan ba'da an yakuna muhaddada. Il dit: il y a une preuve donc dans le hadith que nous avons cité précédemment, qu'il est permis d'égorger avec tout outil donc qui permet d'atteindre le but escompté, sans que cela soit donc restreint à un outil qui soit en fer, mais du moment que c'est aiguisé, alors c'est permis. Bon, alhamdoulilah, aujourd'hui les couteaux sont abondants, donc il faut le faire avec un couteau, mais dans certaines régions c'est difficile d'avoir un couteau, donc il était permis et il est toujours permis de le faire avec un autre outil. Le plus important, c'est qu'il soit très bien aiguisé et que lorsque la gorge de la bête soit tranchée, le sang coule de manière abondante, afin que la mort soit la plus rapide possible, inshallah. Et l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayh, a rapporté un hadith aussi, en dessous du hadith que nous avions cité précédemment. Une jeune fille, qui donc était servante de Ka'b ibn Malik, radiyallahu an, كانت ترعى غنما له بالجبل الذي بالسوق وهو بسلع. Donc cette jeune fille, elle était en train de paître son troupeau au niveau d'une montagne. Il y a eu un mouton qui s'est blessé. فَكَسَرَتْ حَجَرَا فَذَبَحَتْهَا بِهِ. Donc cette jeune fille a pris une pierre, elle a cassé, donc afin de créer une arête, et elle a égorgé ce mouton-là. فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا. Donc ils sont allés voir le prophète, alayhi salatu wasalam, donc pour être sûr que cette bête-là était bien halal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de la manger. Et ici on voit que, observez, hein, les compagnons radiyallahu anhum concertaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils avaient le doute sur la moindre chose. Hein, pas comme beaucoup d'entre nous qui font des ijtihad tout seuls et qui parfois dans des points où Omar radiyallahu anhu aurait réuni les gens de Badr, hein, eux-mêmes prennent leurs avis alors que parfois ils ne sont même pas arabophones et ne savent même pas lire un hadith d'une bonne manière. Donc le hadith de cette jeune fille montre qu'il est permis d'égorger avec autre chose qu'un couteau, mais il n'y a pas de doute sur le fait que ce qui est le mieux, c'est d'égorger avec donc quelque chose de métallique afin d'accélérer la mort de la bête et qu'elle souffre le moins. Donc une autre bienséance à observer, c'est de bien aiguiser son couteau avant de coucher donc sa bête.